L'actualité à Nancy et ailleurs. Ce dimanche 3 mai, l'association ASCA organise un loto solidaire. Ce sera à Vendeuvre-les-Nancy. Sabrina, bonjour. Bonjour Yves. En quelques mots, c'est quoi l'ASCA? Ça veut dire quoi? Alors ASCA, c'est pour Action Solidarité Cause Animale. Et notre mission, c'est de protéger les chats errants, de les rendre chats libres, un statut différent où ils ne sont plus considérés comme des animaux nuisibles, on va dire, entre guillemets, où vraiment ils dépendent d'une commune ou de l'association et ils ont les mêmes droits que les animaux domestiques. Vous êtes bénévole de cette association, ça consiste en quoi le rôle de bénévole à l'ASCA? Moi, je suis bénévole depuis un petit peu plus d'un an. Moi, mon rôle, c'est de traper les chats errants pour les stériliser et les faire identifier au nom de l'association. Quand ils sont en bonne santé, on les relâche sur leur lieu de capture. En ce qui me concerne, c'est sur mon lieu de travail. Et on les nourrit au quotidien. On s'assure qu'ils vont bien. Si on détecte des problèmes de santé, quelque chose comme ça, on peut éventuellement les capturer à nouveau et les faire soigner, puisque ça devient notre responsabilité. L'association, elle intervient sur quel territoire? Alors, elle est conventionnée avec 15 communes du 54 et du 88. Et puis, elle a un refuge qui est basé à Bruyères dans les Vosges, où elle accueille les chats qui ne sont pas dans un état de santé acceptable pour une remise sur site. C'est-à-dire qui sont porteurs, par exemple, du sida du chat, ou qui sont trop abîmés, trop vieux, trop fragiles pour être laissés dans la nature. L'association ASCA organise ce dimanche 3 mai un loto solidaire, donc ce sera à Vendeuvre-les-Nancy. C'est la première fois que vous organisez un événement tel que celui-ci? C'est pas la première fois, on s'améliore à chaque fois. On progresse, on apprend un petit peu en fonction des retours des participants. Le dernier, c'était à l'automne à Malzéville. Et là, on organise un grand loto où, en nouveauté, on aura déjà l'affichage des numéros tirés, ce qui n'était pas le cas, c'était pas très pratique. On en convient, donc venez si ça vous a posé problème. Aujourd'hui, le problème est réglé. Et puis, il y a des super lots à gagner. On a des places pour Alligator, des repas au restaurant, un vidéoprojecteur, un aspirateur robot et jusqu'à 1000 euros de bons d'achat chez Leclerc en fonction du nombre de cartons vendus. Donc plus vous serez nombreux et plus les lots seront intéressants. C'est ce dimanche 3 mai, c'est à partir de 13h. D'organiser un rendez-vous tel que celui-ci, ça permet quoi, j'imagine, de récolter de l'argent pour faire vivre l'association? Voilà, exactement, de récolter des fonds pour acheter des aliments, tout le nécessaire pour faire fonctionner le refuge aussi, puisque d'un coup, hein, les locaux, l'eau, les transports des animaux, et puis surtout leurs soins. Mmh. Puisque nous, on ne gère pas des petits chatons mignons qu'on va confier à l'adoption. Nous, ce qu'on récupère, c'est les désespérés qui ne trouveront jamais une famille et qu'on aura jusqu'à la fin. Donc, qui forcément demandent beaucoup de soins et tout ça, c'est de l'argent. Voilà, et besoin de bénévoles aussi, donc ça permet aussi de faire connaître un peu plus l'association. Exactement. Pas seulement de l'argent, mais aussi des bras, il nous faut. Donc, pour vous rendre service, eh bien, on peut participer à ce loto. Donc, vous l'avez dit, ouverture des portes à 13h, c'est jusque quelle heure? Et puis, est-ce qu'il faut s'inscrire pour y participer? Alors, l'idéal, c'est de réserver par SMS au 06 16 49 10 14. Je répète, 06 16 49 10 14. On retrouve ces informations sur notre Facebook. Bien sûr, il y aura une buvette et une restauration sur place lors de cet après-midi. On proposera aussi des enveloppes surprises 100% gagnantes à 2 euros seulement l'enveloppe. Et on offre un tirage aux enfants de moins de 12 ans. Il y aura 3 lots à gagner pour les enfants. Et on vous retrouve pour avoir plus d'infos, vous contacter, proposer ces services éventuellement aussi, Facebook essentiellement? Facebook essentiellement, oui. Voilà, l'action Solidarité Cause Animale, ASCA. On remettra bien sûr le lien sur le site de la radio. Merci beaucoup Sabrina. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.